Les 2 et 3 novembre aura lieu en Normandie le 9e Festival d'Évreux sur le Sentier de la Country. Concerts, bals, stages de danse, exposants, le Festival Country d'Évreux est l'événement incontournable de l'automne en France. Les concerts, comme chaque année, promettent d'être exceptionnels avec en exclusivité européenne le Texan Kyle Park et son groupe. Les amateurs de country traditionnels et authentiques seront gâtés avec la néerlandaise Janet Bodaway et l'un des meilleurs groupes de l'Hexagone, les Subway Cowboys. Comme l'an passé, DJ Jean Cri animera lui le parquet de danse tout au long du week-end. Et grande nouveauté cette année, le réputé chorégraphe Darren Bailey assurera les stages du dimanche. Renseignements et réservations par téléphone au 02 32 38 25 65 ou par internet à festival-country-evreux.fr. Le festival est gratuit pour les moins de 12 ans et nous vous attendons très nombreux les 2 et 3 novembre à Évreux.